Question qui se rapporte au même sujet. Qu'advient-il de la souffrance dans l'autodiscipline ou dans la souffrance du mental, ou dans le mental? Bon, lorsque l'homme est un être autodiscipliné mentalement, il ne souffre plus. Lorsque l'homme a une tendance à essayer de s'autodiscipliner, comme tout à l'heure on l'a vu, lorsqu'il y a une lutte en lui, alors automatiquement l'homme souffre. Maintenant, il faut bien comprendre que l'homme qui souffre, c'est l'homme psychologique. Et on sait que l'homme psychologique souffre de toute façon. C'est pourquoi aussi les ajusteurs psychologiques, les autodisciplinaires psychologiques, tendent à enseigner à l'homme, à donner à l'homme les illusions de paix, de béatitude, de calme, de sérénité. Parce que cela tend à diminuer chez l'homme la souffrance psychologique temporairement. Et lorsque l'homme, parce que sachez bien que l'homme souffre psychologiquement à un degré proportionnel à l'évolution de son corps mental. Moins l'homme a un mental évolué, moins l'homme souffre. Et plus l'homme a un mental qui tend à être énergisé, plus l'homme souffre. Et ça, on le sait. Maintenant, l'autodisciplineur psychologique tend à enseigner à l'homme à fuir la souffrance et à se diriger vers les endroits de l'astral où il n'y aura pas de souffrance. Maintenant, dans la réalité des faits, au niveau de l'évolution humaine, l'homme doit se diriger vers les énergies mentales, vers les énergies supramentales, et ça, l'homme ne peut pas se diriger vers une énergie seulement avec son pif. L'énergie supramentale s'exprime par l'intermédiaire de la pensée. L'énergie du mental s'exprime par l'intermédiaire de la pensée. Et c'est par la pensée que l'homme se dirige. L'autodisciplineur, ou encore l'autodiscipline que l'homme va trouver, que l'homme va avoir, lorsque l'homme essaie d'analyser des mécanismes, des phénomènes, des choses, à partir de son cortex mental, lorsque l'homme trouve des choses, lorsque l'homme voit l'intelligence d'une situation, l'intelligence d'une action, et qu'il y a en lui une lutte, selon l'énergie que l'astral va opposer à l'application de l'action intelligente, l'homme aura une souffrance. Lorsque l'homme devient son seul maître, lorsque l'homme crée des mécanismes qui permettent à l'astral d'accepter facilement l'intelligence d'une situation ou d'une action, l'homme perd sa souffrance. Cela veut dire que la souffrance, on a déjà vu que c'était la lutte que va opposer une mémoire à sa transformation. C'est juste ça, la souffrance. Lorsque la mémoire physique oppose une lutte à sa transformation, il y a souffrance physique. Alors, lorsque l'on vous coupe, cela fait mal. La mémoire physique refuse d'être transformée. Il y a souffrance. Lorsque on a une souffrance psychologique, c'est qu'on refuse la transformation de la mémoire psychologique. Et c'est normal, la mémoire, elle est là pour conserver. Et lorsqu'on veut transformer une mémoire, on détruit la mémoire, c'est souffrant. Lorsque l'homme oppose une mémoire à un mécanisme de l'intellect, à un mécanisme du corps mental, à un mécanisme qui apparemment est non mémoriel, mais qui sera mémorisé dans le corps astral, lorsque la mémoire s'oppose à ce genre de choses, parce que sachez bien que tout ce qui est neuf, tout ce qui vient du mental, tend à transformer une mémoire. Il y a donc souffrance. Sauf si le mental programme le corps astral, programme la psychologie de l'homme, de façon à ce que celui-ci souffre de ne rien connaître de neuf. C'est ce qui souvent va dynamiser une personne à apprendre, à vouloir connaître. La majorité des savants, des chercheurs, qui sont assoiffés de neuf, qui n'ont pas peur du neuf, mais par contre qui souffrent et qui s'ennuient du monotone, de ne rien trouver de neuf. Lorsque nous approchons de la programmation mentale, on a vu dans certains PMC ce qu'était la programmation mentale. On n'a pas encore commencé à y toucher très peu. Bon, on y touche en PMC 4. Bon. La programmation égrégorienne, programmation mentale. Lorsque la personne commence à travailler sur sa programmation mentale, elle instruit, elle habitue son corps astral à accepter d'une façon facile, d'une façon non rébarbatrice, l'intrusion de l'énergie mentale. Cela veut dire que la personne, elle, apprend à s'auto-discipliner ou à s'auto-contrôler par l'auto-programmation de son corps astral. Cela veut dire qu'au fur et à mesure que la personne évolue, au fur et à mesure que la personne conçoit des choses, elle s'arrange pour créer une habitude. Maintenant, il y a une différence entre l'habitude créée par la psychologie reliée à l'égrégore collectif, donc à l'autodisciplinaire astral, et l'habitude créée par le corps mental. Au niveau PMC, on doit avoir, on doit créer, on doit se programmer d'une façon mentale. Cela veut dire que je refais la même chose en sachant que je refais la même chose. Et au niveau de l'habitude psychologique, je refais une chose sans jamais savoir que je le fais. Et c'est la différence entre l'une et l'autre. Lorsque nous prenons l'habitude de faire une chose, lorsque nous prenons l'habitude intelligente de répéter quelque chose, je le répète, mais je suis conscient que je refais. Donc, je ne répète pas, je fais. Mais pour la psychologie, il y a répétition. Et quel que soit l'ordre de répétition, pour la psychologie, lorsqu'il y a répétition, il y a automatiquement sécurité, même s'il y a souffrance. Donc, lorsque nous allons programmer notre corps mental, lorsque nous allons programmer celui-ci à programmer notre corps astral, de façon à ce que celui-ci accepte d'une façon facile, d'une façon normale, comme s'il était habitué les choses nouvelles, et il n'y aura plus de souffrance. Cela ne se fait pas instantanément, peut se faire instantanément, mais ce n'est pas la majorité des cas. Et lorsque, en PMC4, nous allons commencer à travailler au niveau de la programmation mentale, au niveau de la création d'un programme mental, au niveau de la création d'égrégores mentaux, la souffrance psychologique ainsi que la souffrance mentale vont tendre à diminuer. Tout à l'heure, tu as parlé du supramental. Tant qu'étant l'autodiscipline, a-t-il une autodiscipline supramentale? Ou aura-t-il? L'autodiscipline, c'est réellement lorsque l'être, lorsque l'homme, de par sa propre énergie, ou de par l'énergie extérieure qu'il conscientise chez lui, c'est-à-dire qu'il accepte un contact extérieur d'énergie, il en a conscience, il sait ce qu'il fait, il a conscience de ce qui rentre chez lui comme énergie, il a conscience de ce que cette énergie opère chez lui. Cet homme est autodiscipliné. Et lorsque l'homme passe d'une autodiscipline mentale, d'une autodiscipline analytique, à un être-té total, un être qui n'est pas ici et maintenant, mais qui n'est nulle part et jamais, ce qui, je l'ai déjà dit, est plus précis que le ici et maintenant. Parce que l'être qui arrive à l'énergie supramentale ne peut plus être ici et maintenant. Il est nulle part, en aucun temps. Et ce n'est pas pareil. L'autodiscipline supramentale, c'est lorsque l'énergie supramentale est finalisante en termes de fusion chez l'homme, il y a donc possibilité d'autodiscipline supramentale. Maintenant, je répète que l'autodiscipline est lorsque l'énergie de l'homme opère, donne des ordres à lui-même et opère des changements raisonnés par lui-même ou par une énergie de l'extérieur conscientisée chez lui. L'énergie supramentale, lorsqu'elle n'est pas conscientisée par l'homme, elle manipule l'homme. Et la différence entre être manipulé et ne pas l'être, elle est bénigne, elle est minime, elle est de l'ordre d'accepter l'intelligence d'un fait et de l'ordre d'ignorer le fait. Lorsque l'énergie supramentale pénètre l'homme et le manipule, l'homme ne le sait pas. Lorsque l'énergie supramentale pénètre l'homme et ne le manipule pas, l'homme est au courant, l'homme le sait et l'homme l'accepte. psychologiquement, apparemment, il n'y a pas de différence entre la non-manipulation et la manipulation. De ce fait, l'homme psychologique tend à dire que l'homme restera toujours manipulé. L'homme psychologique a totalement raison de dire que l'homme restera toujours manipulé parce que l'homme psychologique parle de l'homme psychologique. Et l'homme psychologique, le maître-esclave, sera continuellement manipulé et toujours par l'homme réel. Mais l'homme réel est manipulable par l'énergie supramentale tant que celle-ci ne fait pas partie intégrale de son être-té. Et lorsque l'énergie supramentale est fusionnée avec l'homme réel planétaire, l'énergie supramentale est l'homme réel planétaire, ainsi que l'énergie mentale, astrale, vitale et physique. Donc, cet homme n'est plus manipulé par l'énergie supramentale, par Dieu. Lorsque l'homme n'a pas fusionné ce corps, lorsque l'homme n'a pas compris la fusion corporelle, chose que nous allons voir dans les prochaines conférences du vendredi en septembre, lorsque l'homme n'a pas compris ce mécanisme fusionnel, lorsque l'homme ne l'a même pas entrevu, l'homme peut être assujetti, l'homme peut être en contact avec l'énergie supramentale, mais l'homme reste un être manipulé. Maintenant, comme je l'ai déjà dit antérieurement, vaut être manipulé par Dieu que par Satan. Le dilemme du maître-esclave, si je prends le supramental, reste pareil. Disons pendant un certain temps. Lorsque le maître-esclave disparaît chez l'homme, c'est lorsque l'énergie supramentale se fusionne à l'homme. On a présentement un cerveau, une conscience intuitive reliée à un hémisphère du cerveau. On a une conscience intellectuelle reliée à l'autre hémisphère du cerveau. Et on a une conscience archétypale, une conscience antérieure à l'apparition des deux consciences que je viens d'énumérer. Une conscience reliée à l'archéocérébellum, reliée entre autres au cervelet, dans lequel vont être enregistrées les premières mémoires de l'homme, dans lequel chimiquement vont être canalisées les mémoires conventionnelles de l'homme, la mémoire immédiate ainsi que la mémoire, disons, prolongée, en plus d'être, disons, conservée par l'hippocampe et par le système sanguin. Et dans ce cerveau, où va siéger l'ego, qu'est-ce qui relie l'homme à l'esprit de groupe? C'est ton cervelet. Et lorsque l'ego antérieur de l'homme est conservé à l'intérieur même du cervelet, lorsque ce genre de mécanisme énergétique entre en contact avec l'esprit de groupe, on a automatiquement une tendance à exprimer l'orgueil racial, l'orgueil national, l'orgueil spirituel, ces choses-là. Lorsque l'énergie supramentale va descendre chez l'homme, lorsque celui-ci va détruire l'énergisation extérieure de ce cervelet, de cette troisième conscience de l'homme, de cet ego humain, qui est relié par l'intermédiaire du corps au système endocrinien, par l'intermédiaire de l'hypothalamus et du thalamus, mais qui siège surtout à l'intérieur de l'archéocérébellum, du cervelet entre autres. Lorsque l'énergie supramentale descend chez l'homme et qu'elle détruit la liaison entre le cervelet et les esprits de groupe, elle détruit en même temps l'ego humain. Elle crée une troisième conscience et cette troisième conscience sera ajoutée l'être intuitif, intellectuel, l'être esclave et l'être maître. Parce que l'esclave est énormément chez l'homme relié à son cerveau intuitif. Et le maître est extrêmement relié à son cerveau intellectuel. Et lorsque l'énergie supramentale va descendre, il travaillera en collaboration avec ces deux phénomènes. Et le maître esclave disparaît automatiquement lorsque tu as de l'énergie supramentale fusionnée à l'homme évoluant. Donc le maître esclave n'existe plus sur le compte de Saint-Germain, n'existe plus dans le code du Nazaréen, n'existe plus dans le code Merlin. Par contre, existe dans tous les maîtres que nous avons ici. Comme le maître esclave existe dans plusieurs maîtres de second ordre qui vivent au centre de la Terre ou qui vivent sur les bourgs de la Gartha ou de Shambhala. Toutes les consciences, si tu parles de la conscience de la mémoire ou la conscience du groupe qui est dans le cervelet, pour appeler ça le premier cerveau physique, le deuxième cerveau physique, c'est en ce moment la partie qui joue entre l'intuitif et l'intellect. Le deuxième cerveau physique pourrait surtout être présentement un des deux hémisphères. Un des deux hémisphères. Okay. Parce que si je prends le cervelet, on sait qu'il est composé de trois parties. En ce moment, notre cerveau est composé de trois parties. Mm-hmm. La prochaine conscience qui descend, va-t-il avoir aussi un cerveau qui va se former en trois parties, côté physique? Bon, alors on parle souvent du développement d'un troisième cerveau chez l'homme. Maintenant, l'homme a déjà trois cerveaux, l'homme a le cervelet, l'homme a les deux hémisphères. Le cervelet divisé en trois, les deux hémisphères sont reliés par le corps calleux qui donne une trilogie cérébrale aussi. Et lorsque nous parlons du troisième cerveau de l'homme nouveau, nous ne parlons pas d'un cerveau qui sera physique. Nous parlons surtout d'un cerveau qui sera constitué par de l'éther supramental, donc d'un cerveau qui appartiendra au double éthérique de l'homme, au double supramental de l'homme. Lorsque l'homme évolue, l'homme projette des énergies. Lorsque l'homme projette des énergies, l'homme se débarrasse de certaines formes d'énergie qui sont bonnes pour lui et qui sont malsaines pour lui. Les bonnes formes d'énergie qui sont débarrassées, donc que l'homme perd, parce qu'en fin de compte, l'homme ne s'en débarrasse pas, il les perd, vont créer dans l'astral des égrégores supramentales, mentales, astrales, vitales et même physiques. Bon, alors ces énergies créent le contexte évolutif de l'homme. Toutes les énergies malsaines que l'homme arrive à transmuer sont projetées dans une région qui n'est pas planétaire. Parce qu'elles sont transmuées, elles ne peuvent pas appartenir à la planète pour l'instant parce qu'elles ne sont pas en nombre suffisant ou en puissance suffisante. Et au fur et à mesure que l'homme travaille, que l'homme se conscientise, que l'homme évolue au niveau, disons, en relation avec l'énergie supramentale, l'homme crée lentement un double, non pas un double corporel, mais un double en ce sens, un double de conscience. Et ce troisième, ce double corps, cette bicorporalité, va apparaître dans l'éthérique supramental, qui a la même fonction extraplanétaire que l'éthérique humain, l'éthérique planétaire, que moi j'appelle le corps vital. Celui qui, par l'intermédiaire de l'amour, réussit à agglomérer suffisamment d'énergie involuante, que nous appelons la matière dans le corps de l'homme planétaire, pour créer la mémoire qui conserve la forme. Et lorsque cet éthérique vital, l'éthérique planétaire est suffisamment énergisé, il peut animer la forme, ce que nous appelons la vie. Et cet éthérique est constitué présentement d'énergie yang, d'énergie yin et d'énergie ominale. L'acupuncture connaît surtout l'énergie yin et yang, et nous connaissons présentement, au niveau PMC du moins, l'énergie ominale. Lorsque l'homme projette différentes choses à l'extérieur de lui, sans les transmuer, c'est-à-dire sans les faire évoluer, sans les détruire avant de les projeter, parce que tu détruis une chose en la transmuant, dans le contexte de la création, là où il y a du temps et de l'espace. Tu ne peux détruire une chose en la désintégrant. La majorité des choses expulsées par l'homme lors de sa conscientisation vont créer dans cet éther, vont être absorbées par l'éther de l'homme, par l'éther supramental qui entoure l'homme, et vont créer différents mécanismes qui vont tendre à donner à l'homme la possibilité de pouvoir prendre conscience de cet état extraplanétaire. Cela crée donc un double éthérique, un deuxième corps. Le troisième cerveau que nous parlons, ou que d'autres conférenciers parlent, disons, de temps en temps, est un cerveau qui sera éthérique, un cerveau qui sera surtout supramental. Il n'aura pas de consonance matérielle sphérique ou hémisphérique comme nous les connaissons présentement. Il sera en relation avec la glande pinéale qui sera simplement un médiateur physique pour pouvoir démolir le contact entre le cervelet et le thalamus, l'hypothalamus et les contextes astraux intérieurs ou extérieurs de l'homme. Le troisième cerveau a une tendance à se développer présentement chez l'homme. Il est créé. Premièrement, il y a des conditions fondamentales à l'évolution d'un troisième cerveau chez l'homme. Les conditions énergétiques. Premièrement, pour que le troisième cerveau se développe chez l'homme, l'homme doit être déjà en contact avec un ajusteur de pensée. Cela peut être un autodisciplinaire mental collectif. Cela peut être un ajusteur de pensée individuel. L'autodisciplinaire mental est l'ajusteur de pensée collectif. L'autodisciplinaire astral est l'ajusteur psychologique collectif. Et l'ajusteur de pensée, nous allons employer ce terme pour désigner une énergie qui est individualisée chez l'homme. Donc, nous n'emploierons plus un ajusteur de pensée collectif, ou du moins le moins possible, pour employer le terme d'autodisciplineur, qui est l'ajusteur de pensée collectif. Lorsque l'énergie humaine, lorsque l'énergie de l'homme tend à créer le corps mental qui n'existe pas, parce que le corps mental n'a pas de consistance propre, il n'existe pas. Le corps mental apparaît seulement comme étant la finalité réactionnaire entre deux contextes énergétiques qui sont l'intuition et l'intellect. Le corps mental est une finalité de réaction. Le corps mental est un événement. Le mental de l'homme n'a pas de corporalité réelle, ni même énergétique. Le mental de l'homme est un événement. C'est pourquoi le mental de l'homme échappe complètement à l'ajustement dans le temps. Le mental de l'homme n'est pas temporalisé, il est hors temps. Même si l'énergie supramentale, elle est énergisée, elle est reliée à un mécanisme temporel qui est inexpressible par la psychologie, qui est insondable par la psychologie conventionnelle, qui n'est même par la psychologie astrale tout court. Le corps, l'énergie supramentale, on l'a déjà dit, elle est partout. Elle est omniprésente, elle est omnipotente, mais elle n'est pas omnisciente. L'énergie supramentale n'a pas le savoir infini, même s'il a un savoir instantané. L'énergie de l'homme, lorsque l'homme évolue, lorsque l'homme entre en contact avec cette énergie supramentale, celui-ci va le référer pour des périodes de repos à l'autodisciplineur. Lorsque l'homme crée un ajusteur de pensée pour lui-même, ou lorsque l'homme en attire un par son contexte d'événement, c'est-à-dire par son contexte mental, lorsque l'homme se sert de son énergie mentale, c'est-à-dire lorsque l'homme s'arrange pour que le dynamisme énergétique entre ses deux cerveaux évolutif crée un événement qui s'appelle le corps mental. Donc, lorsque l'homme crée une situation mentale particulière, lorsque l'homme poursuit cette création du corps mental dans le temps psychologique, par un contexte de travail particulier de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche, l'homme attire à lui une énergie planétaire supramentale, une énergie de l'ajusteur de pensée. Cet ajusteur de pensée vient chez l'homme et il va simplement ajuster la vibration des deux cerveaux de l'homme, et même du troisième cerveau de l'homme qui est l'ego de l'homme, donc présentement le cervelet, de façon à ce que se poursuive cet événement. La poursuite de cet événement crée un mécanisme, c'est-à-dire que la poursuite de la relation dynamisée par l'énergie supramentale entre ces trois cerveaux matériels de l'homme crée une énergie chez l'homme, c'est-à-dire qu'elle transmute l'énergie hominale, l'énergie de l'homme sur tous ses plans, en énergie nouvelle. Énergie nouvelle qui est automatiquement expulsée par le plan planétaire parce qu'il est refusé par la mémoire planétaire. Cette expulsion d'énergie nouvelle chez l'homme lorsque l'homme se conscientise crée cet ajusteur de pensée supramental qui va entrer encore en relation avec l'ajusteur de pensée mental ou l'ajusteur de pensée humain, et cette fusion entre ces deux ajusteurs de pensée va créer un ajusteur de pensée expérimenté. Parce que le premier ajusteur de pensée qui vient chez l'homme est un ajusteur de pensée qui n'est pas expérimenté, qui n'a pas de connaissance planétaire. L'homme devra le créer. Cet ajusteur de pensée peut donner de faux ordres, peut donner de faux messages. L'homme doit faire attention à son ajusteur de pensée pour commencer, mais l'homme doit continuer à développer l'événement qui crée le mental, événement qui crée l'ajusteur de pensée, événement qui crée son double supramental, événement qui crée la fusion entre les deux ajusteurs de pensée, et lorsque cela est fait, l'homme va continuer à conserver l'événement qui crée de l'énergie, qui sera automatiquement expulsé du cortex planétaire, parce que cela nuit à la mémoire. Ce qui est expulsé va créer lentement ce troisième cerveau, qui va venir, supporter l'évolution déjà conscientisante de l'événement mental, de l'événement humain. Et l'événement est toujours une chose qui est instantanée. Ce n'est jamais conservable dans le temps. Et lorsque l'homme aura développé cet ajusteur de pensée par les mécanismes que j'ai d'énumérer, il a ce qu'il faut pour créer ce troisième cerveau. Le troisième cerveau va être la naissance de l'homme supramental, de l'homme dans les sphères supramentales, c'est-à-dire de l'homme extraterrestre planétaire. Et lorsque l'homme aura une conscience suffisamment énergisée dans sa plan planétaire, lorsque la planète expulsera suffisamment d'énergie nouvelle pour créer un double éthérique, l'homme aura l'avantage et la possibilité d'explorer la matière dans son corps physique et de connaître en même temps, la possibilité de connaître la mémoire galactique, ce que nous appelons l'astral galactique, ce que nous appelons l'énergie supramentale. De ce fait, l'homme connaît instantanément ce qui se passe sur la planète partout où la planète elle est. Il connaît en même temps tout ce qui se passe dans l'univers, donc cosmiquement, il peut commencer à expliquer les mécanismes planétaires, non pas parce qu'il les a appris, parce qu'il les voit, parce qu'il les sent, parce qu'il les vit, parce qu'il est en même temps qu'eux. Et lorsque cela se fait, l'homme continue à évoluer, se conscientiser, ce qui crée de plus en plus un double éthérique, et l'homme aura à un moment donné un corps de lumière. Ce double éthérique entrera en contact avec le double planétaire, donc l'homme, et cet homme sera suffisamment énergisé par son double éthérique, qui aura été créé par l'expulsion mémorielle du cortex planétaire, que l'homme verra son corps physique augmenter en vibration jusqu'à un point tel où cet être sera un être qui apparaîtra comme un être lumineux sur le plan planétaire, simplement parce que toute l'énergie vitale placée dans la molécule physique sera suffisamment énergisée pour expulser continuellement de l'homme tout ce qui est impur chez l'homme, ce qui apparaîtra comme étant un phénomène lumineux pour les autres. On aura donc un être de lumière qui est un être pur, qui se purifie continuellement et qui aura une corporalité lumineuse pendant un laps de temps plus ou moins long, selon le temps dans lequel cet homme arrive à cet état. C'est-à-dire que si tu arrives à cet état immédiatement, tu auras un temps lumineux long. Si tu arrives à cet état dans 200 ans, tu auras un temps lumineux court parce que tu auras une facilité planétaire d'évolution. Autrement dit, plus que le contact supramental, ou on pourrait dire la couche supramentale, le supramental devenant terrestre, est extraterrestre, s'approche de la Terre, le fait de communiquer, d'en parler, fait une couche supramentale, plus que cette couche va être grosse ou conscientisée, plus que l'homme, pour l'homme, ça va être facile de régler ses problèmes. Effectivement. Si tu as une personne qui commence quelque chose, c'est compliqué. Quand tu en as un million, c'est facile pour celui qui commence. Et c'est la même chose pour le plan, pour l'évolution supramentale, mentale, ou etc. Une chose qui est importante, c'est que la tendance présentement, disons, si je dis ceci. Je dis ceci, ça explique bien, ce n'est pas tout à fait ça. Mais je dis ceci et on y reviendra beaucoup plus tard. Présentement, la Terre est en train de devenir supramentale, c'est-à-dire que l'énergie supramentale tend à venir démolir la Terre pour prendre sa place. Et tout ce qui est terrestre est éclaboussé dans l'univers et l'énergie supramentale tend à devenir terrestre pendant que le contexte planétaire tend à devenir supramental. Cela veut dire que où l'énergie supramentale passe, l'énergie terrestre vient la remplacer dans l'énergie supramentale et l'énergie terrestre est remplacée par l'énergie supramentale au niveau du plan planétaire. Donc, plus nous supramentalisons la Terre, plus nous planétisons l'énergie supramentale. En mots plus simples, c'est plus qu'on a le supramental, plus que le supramental peut connaître la planète. C'est pas tout à fait ça. Nous sommes en train de terrestrifier le supramental, de planétiser le supramental à part l'énergie terrestre, en même temps que l'énergie supramentale tend à supramentaliser la planète Terre. Exactement comme si je disais, je prends de l'air et je la remets dans un bocal d'eau. Plus il y a d'air qui rentre dans l'eau, plus il y a d'eau qui rentre dans l'air. Parce que l'air sort du bocal. L'eau sort du bocal et remplace l'air. Que pour arriver à ça, on a tout le temps le... On parle d'augmenter l'énergie de notre vitale pour arriver à un certain niveau. Tout à l'heure, tu parlais d'utiliser le minimum d'énergie. Bon, quelqu'un intelligent, l'intelligence fait qu'on va utiliser le minimum d'énergie. Mais ça veut dire que utiliser le minimum d'énergie qu'il faut accumuler. Bon. Lorsque nous parlons d'accumuler, nous parlons dans le domaine de la matière. Dans l'énergie supramentale, tu n'accumules pas. Dans l'énergie mentale, tu n'accumules pas. Pour avoir de l'énergie mentale, tu dois faire travailler et tu dois donc accumuler de l'énergie astrale, de l'énergie vitale et de l'énergie physique pour que tu aies deux consciences, intuitives et intellectuelles, et avec ta troisième l'ego, qui puisse créer l'événement mental pour pouvoir attirer l'événement supramental. Mais tu ne peux pas, quand je parle d'économiser l'énergie, cela veut dire que tu essaies de donner le moins possible d'énergie à la matière. Donc, tu ne dilapides pas ta matière. C'est comme si tu te mettais en colère, tu nourris la matière. Si tu es en joie, tu nourris la matière. Donc, tu prends de l'énergie évoluée pour la rendre matérielle. Tu l'inscris dans la mémoire planétaire. Et moins tu vas inscrire d'événements et de choses dans la mémoire planétaire, moins tu vas dilapider ton énergie. Cela ne regarde pas encore l'homme conventionnel ou l'homme même conscientisant. Ça regarde l'initié, au plus haut point. Celui qui pourra réellement ne rien faire. Et que de cette façon, il fera. Lorsque tu accumules de l'énergie, tu accumules de l'énergie au niveau vital, astral et au niveau physique. Là où il y a de la mémoire. Mais tu ne peux pas accumuler de l'énergie dans l'événement mental. Par contre, plus tu as d'énergie mémorielle, plus tu peux créer un intellect puissant, plus tu peux créer un mental puissant, un événement énergisé puissamment. Donc, le fait de faire attention à ton corps physique, à ton corps vital, à ton corps astral, de façon à créer l'événement mental, tu économises ton énergie, tu assembles suffisamment d'énergie pour créer un événement mental suffisamment puissant de façon à ce que le reste du processus puisse s'accomplir. Le fait d'économiser, une accumulation. Jusqu'à peu près. Ok, tout à l'heure, tu as utilisé le taux disciplinaire mental. Si ce taux disciplinaire-là se personnalise, on le personnalise, devient-il l'ajusteur de pensée? Non. L'autodisciplinaire personnalisé devient une farce astrale. L'ajusteur de pensée ne doit pas être personnalisé ou personnifié par l'homme. Parce que s'il est personnifié par l'homme ou personnalisé par l'homme, c'est l'homme psychologique qui essaie de définir les paramètres de l'autodisciplinaire. Et les paramètres, les limites, la forme, ce que c'est que l'ajusteur de pensée, va apparaître seulement lorsque le mental, l'événement mental, existera suffisamment pour devenir suffisamment conséquentiel pour être lui-même l'ajusteur planétaire. Cet événement va créer des énergies expulsées qui vont créer l'ajusteur supramental et ces deux vont se fusionner pour créer un ajusteur qui sera expérimenté. Il aura l'expérience planétaire. Bon. Si tu prends l'autodisciplinaire, tu le personnifies ou le personnalises, tu l'appelles, tu lui donnes un nom, tu en fais un égrégore qui sera assujetti à ta manipulation ou qui pourra te manipuler, ce qui n'est pas le rôle de l'autodisciplinaire. Donc, tu prends la forme de l'autodisciplinaire mental et cette forme, tu la places dans l'astral et tu t'en sers. Ça ne change rien au réel autodisciplineur mental qui est l'ajusteur collectif. Donc, le fait de personnaliser, lui. Lorsque nous employons des mots, nous personnalisons de toute façon. cela nuit. Mais présentement, entre deux mots, tu prends le moins pire, donc cela aide. Mais il ne faut pas que la personne commence, par exemple, ça n'arrivera pas ici, mais à prier l'autodisciplinaire. C'est une forme d'énergie qui, de toute manière, aura à servir l'homme, qui, de toute manière, présentement, a servi l'homme, et qui, de toute manière, a été créée par l'homme, et qui, de toute manière, un jour, sera démolie par l'homme. Et l'homme n'a pas à prier, l'homme n'a pas à rien faire, et l'homme n'a pas non plus à ordonner à l'autodisciplinaire mental, parce que, présentement, l'homme n'a pas la capacité de le faire. L'autodisciplinaire mental n'est pas quelque chose avec qui nous pouvons avoir une relation réelle. Lorsque l'homme est assujetti par l'autodisciplinaire mental, il voit des choses, et je répète que l'autodisciplinaire mental peut entrer en contact avec l'homme par le biais de l'astral de l'homme. Donc, tu ne peux pas ordonner par le biais de ton astral, tu ordonnes par le biais de ton mental. Parce que ordonner veut dire mettre dans de l'ordre. Et tu mets de l'ordre avec une énergie de façon à ce que l'ordre que tu veux instaurer s'instaure. Tu donnes un ordre. Mais la psychologie ne donne pas d'ordre. Elle est disciplinée et elle exprime d'un ordre qui vient de l'extérieur. Elle ne donne pas d'ordre elle-même. Alors, lorsque la personne commence à avoir un ajusteur de pensée, lorsque la personne commence à avoir une autodiscipline mentale réelle, elle commence à développer cette autorité, elle n'ordonne pas à l'autodisciplineur mental, à l'ajusteur collectif, parce qu'elle n'a rien à foutre avec l'ajusteur collectif qui fait son travail en regard de ceux qui n'ont pas d'ajusteur de pensée, en regard de ceux qui ont besoin d'ajusteur collectif, et il le fait bien. L'homme du Verseau, présentement, n'a rien à dire à cet ajusteur de pensée collectif, à l'autodisciplineur mental. Il n'a rien à voir avec. La seule chose qu'il a à voir avec, c'est que de temps en temps, il s'inscrit à un cours, par exemple, parce qu'il envoie l'intelligence sans la comprendre. Donc, il est manipulé par l'autodisciplineur mental, ce qui est bien. Comme les personnes qui, à un moment donné, ont accrédité le végétarisme. Ils n'ont rien compris. Mais ils l'ont accrédité. Cela a été bon. Cela a été bon parce que l'homme avait suffisamment mangé de viande pour pouvoir se développer un cortex. Et lorsque la personne accepte de vivre avec une non-violence, elle est assujettie à l'autodisciplinaire mental, qui l'instruit, mais elle ne comprend pas parce qu'elle l'est instruite par le biais de l'astral, elle colore. Lorsque tu comprends un mécanisme, tu laisses faire l'autodisciplineur mental, il reste à sa place, tu ne le pries pas, tu ne lui parles plus, tu ne l'ordonnes pas, tu ne fais rien avec. Tu t'en fous. Et ce que tu fais dans ta vie d'initié, disons, nourrit l'autodisciplineur mental et le renforcit de façon à ce qu'il travaille mieux. Mais tu n'as rien à faire. Tu n'as pas à l'instruire. Tu auras à te servir de lui de temps en temps en collaboration pour instruire. Sachant bien que l'autodisciplinaire mental a de grandes relations avec l'ordre des Melchisedecs, l'ordre des catalyseurs. Alors, tu n'as rien à faire présentement avec. Le Melchisedec ne vient pas se présenter devant la face d'un initié. Le Melchisedec vient se présenter devant la face d'une personne qui est assujettie à une conscience collective astrale, mais qui a une intelligence moyenne lui permettant d'entrevoir une réalité, mais lui permettant de se laisser camoufler la réalité ou de se la laisser transformer en vérité. J'ai quelques questions aussi sur l'autodiscipline. Qu'advient-il de l'erreur pour l'autodiscipline? Qu'advient-il de l'erreur? De l'erreur pour l'autodiscipline. L'erreur, on l'a déjà vu, n'existe pas. Pour l'autodiscipline, l'erreur n'existe toujours pas. Pour l'autodisciplinaire, l'erreur n'existe pas non plus. L'erreur, c'est une farce. L'erreur, c'est une farce psychologique. Lorsqu'une personne pense qu'elle fait une erreur, c'est qu'elle a l'idée qu'elle aurait dû faire autre chose. Et je répète que l'homme fait ce qu'il fait. Et on peut même dire que l'homme fait ce qu'il peut. Et ce que l'homme ne fait pas, c'est qu'il ne peut pas le faire. Donc, il n'y a toujours pas d'erreur. Et si je m'autodiscipline et que je fais une erreur, c'est que c'était une autodiscipline psychologique. J'étais discipliné. Et lorsque je découvre que j'ai fait quelque chose qui, selon moi, est une erreur, mais qui en réalité n'en est pas une parce que je ne pouvais pas faire autre chose, j'ai fait ce que je croyais que je devais faire. Alors, ce n'est pas une erreur. Si je vous dis, ne faites pas ce que vous pensez que vous devriez faire, mais faites ce qu'il faut que vous fassiez, même si vous ne savez pas, ça fout quoi? L'homme ne peut rien faire avec ça. L'homme ne peut pas faire quelque chose qui doit être fait alors qu'il ignore même que cela existe. L'homme fait toujours ce qu'il croit être bien, même si cela est mal. Il n'y a pas d'erreur. Donc, dans l'autodiscipline, même si l'homme s'autodiscipline d'une façon erronée apparemment, il n'y a pas d'erreur. Par contre, l'homme doit analyser continuellement ce qu'il fait d'une façon mentale. L'homme doit créer l'événement mental de façon à pouvoir cesser d'exprimer quelque chose qui n'est pas en accord avec l'événement mental qui maintenant l'habite. Cela veut dire que j'énergise, je crée un événement mental, donc je travaille au niveau de mon corps mental, de mon énergie mentale, et je vois telle chose clairement, je la fais. Je continue à créer l'événement mental et je vois soudainement plus clair, et ce que je fais n'est pas correct. Je devrais faire d'autres choses, alors je fais d'autres choses. Mais il n'y a pas d'erreur au niveau de l'autodiscipline, il n'y a pas d'erreur au niveau de quoi que ce soit. Alors, lorsque l'homme s'autodiscipline, il doit simplement analyser les choses, analyser les processus, pour qu'il puisse voir clairement si ce qu'il fait est conséquentiel, est écologique. Mais lorsqu'il y a le désir, il y a, disons, reliaison avec l'autodisciplinaire. Ce qui amène que pour que l'homme puisse vraiment voir clair, c'est qu'il ait le plus de données possible au mental. Pour l'instant. Qu'il puisse travailler pour pouvoir, disons, voir vraiment clair plus loin, sans que la personne s'imagine qu'à chaque fois qu'elle voit plus loin, tout d'un coup, c'est une erreur avant. L'homme doit étendre sa conscience, expandre sa conscience. Une conscience, par contre, il doit être étendue au niveau supramental, mental, astral, vital et physique. La majorité des contextes évolutifs font que l'homme étend sa conscience seulement au niveau du plan astral, là où il y a l'erreur. Alors évidemment, de cette façon, l'homme évolue. Mais lorsque l'homme étend sa conscience, parce que l'erreur, il n'y en a que dans le plan de l'astral, il n'y a pas d'erreur physique, il n'y a pas d'erreur de mensonge. Quand je parle d'erreur, il n'y a pas de mensonge vital, il n'y a que du mensonge astral, il n'y a pas de mensonge mental. Par contre, présentement, l'astral dynamisant le physique, le vital et le mental, bien évidemment, tout écroche partout. L'homme doit étendre sa conscience, non pas dans l'astral pour connaître le physique, c'est ce qu'il fait. L'homme doit étendre sa conscience, non pas dans l'astral pour connaître le mental, c'est ce qu'il fait. Lorsque l'homme sera mental, ben l'homme a peur de ne plus avoir d'émotion, parce que l'homme veut connaître le mental à partir du plan psychologique. Lorsque l'homme se met en condition, l'homme pense qu'il va être plus beau, ou l'homme pense plusieurs choses, ou la femme se maquille parce qu'elle pense plusieurs choses. Donc, elle essaie de connaître le plan physique par l'intermédiaire du plan psychologique. Ce qui est une aberration. L'homme doit étendre sa conscience dans le plan physique, dans le plan vital, dans le plan astral, oui, mais encore, c'est réellement pas nécessaire. Dans le plan mental, oui. L'homme doit étendre sa conscience dans ses plans. Automatiquement, il aura une conscience nouvelle, il aura une conscience supramentale extraplanétaire, et l'homme aura une conscience évolutive. Présentement, l'homme a une conscience évolutive, parce que l'homme se sert du mécanisme de l'erreur, l'homme prend de fausses données pour analyser le reste. Et l'homme s'imagine qu'à travers ces fausses données, il connaîtra. Mais l'homme ne connaît rien, l'homme ne fait que d'accumuler, l'homme n'accumule que de faux outils, de fausses données. Alors, ce qui fait que lorsque l'homme augmente son niveau conscientisant, lorsque l'homme augmente l'événement mental, et l'événement mental, c'est quelque chose qui est extrêmement important à développer, lorsqu'on parle du corps mental, c'est la même chose. On l'a personnalisé un peu. Sauf qu'on doit maintenant commencer à entrevoir par de nouveaux mots ce qu'est le corps mental. Et c'est un événement mental. Il n'y a pas l'événement, il disparaît, il n'y a pas de corps mental, l'astral submerge, l'astral te domine, l'astral te charrie, parce que l'astral existe en termes de mémoire. Le mental peut se servir de l'astral, c'est normal, parce que le mental est un événement qui va être suscité, qui va prendre naissance lorsqu'il y aura une vibration particulière de l'astral intellectuel et de l'astral intuitif, donc des deux hémisphères, et cet événement sera permis, relié, dynamisé par l'ego. Donc, il y a l'événement mental qui apparaît. Et lorsque l'homme développe cet événement mental, la compréhension de l'événement mental qui n'est pas un corps mental, il se rapproche de la conscience mentale. Parce que juste le fait d'être capable de discerner, de voir la différence entre le corps mental et l'événement mental, de pouvoir parler d'événement mental et non plus de mental, et non plus de corps mental, c'est de voir réellement, c'est d'avoir une conscience qui est un peu plus mentale. Cela va venir, mais il est temps qu'on aborde, mais qu'on prenne maintenant un nouveau terme pour parler du corps mental, et on va parler d'événement mental, parce que c'est beaucoup plus proche en terminologie que le corps mental. Peux-tu expliquer c'est quoi l'événement mental, mais hors temps? Un événement est toujours hors temps, seule la mémoire de l'événement est temporelle. L'événement est hors temps, il y a juste la trace. Quand tu marches dans le sable, ton pied est dans le sable, tu lèves ton pied et le vent emporte le sable. La trace existe que dans l'événement, elle n'existe pas autrement. C'est le mental de l'homme. C'est du sable balayé par le vent. Lorsque l'astral l'incruste, c'est comme si tu marches dans du ciment. Et avant que l'érosion ait ôté tout le ciment que tu pour l'amener au fond de ta trace et que la trace disparaisse, cela prend du temps. Mais le temps tue. Le temps n'existe pas, même si le temps se permet existence. Ce qui fait que n'existant pas tout en existant, le temps finit quand même par altérer tout ce qu'il conserve. La mémoire est altérée, la matière est altérée, l'espace est altéré, tout est altéré. Parce que l'espace est altéré. Parce qu'aujourd'hui, on voyage d'une place à une autre dans un temps différent parce que l'espace a été réduit. Même si, intellectuellement, l'espace reste le même, l'espace est relié à la vitesse que tu prends pour te déplacer dessus. Le temps altère tout. Parce que le temps n'existe pas, même s'il se permet l'existence. Et on va revenir sur le mécanisme, disons, de ce temps à un moment donné. Ça sort un peu du sujet aujourd'hui. Lorsque l'événement mental apparaît, il est un événement. Et l'événement ne peut pas être temporisé. L'événement qui retient la mémoire, l'événement qui laisse une trace, est l'interprétation de l'événement. Ce n'est pas l'événement. Ma parole sur une cassette n'est pas ma parole. C'est la parole de la cassette. C'est la parole de la trace de la cassette. Mais en plus, c'est la parole de la trace de l'électricité du fil du micro sur la cassette. Et en plus, c'est la trace de l'onde sonore amenée au micro sur la cassette. Et en plus, c'est la trace de l'onde sonore de la cassette à l'oreille de celui qui entend. Et on dit c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. L'événement mental, l'énergie mentale, tu ne peux pas mentalement vaincre l'astral à jamais parce que l'astral reste tandis que le mental n'a pas existé. Donc, tu dois continuellement être dans un événement mental, donc être mental pour pouvoir diriger ou dominer l'astral, parce que l'astral est mémoriel, l'astral reste. Lorsque l'homme sera suffisamment énergisé de façon à ne plus enregistrer ce qui se passe, l'homme n'aura plus de mémoire, l'homme sera réellement dans l'état de nulle part et jamais. Dans l'événement mental hors temps, l'événement mental, où est-ce que tu amènes l'homme à être complètement ailleurs et tout le temps, là? Tu peux-tu... perdu, quoi. Tu peux-tu faire fonctionner ton physique en même temps? Oui, parce que l'homme va développer cette bilocation conscience. C'est-à-dire que l'homme aura conscience de ce phénomène intemporel et en même temps, l'homme expérimentera la matière dans un phénomène temporel. De ce fait, l'homme va travailler avec la matière, avec une vision cosmique de ce que la matière fait. Et l'homme aura, pour avoir cette vision, en même temps, un travail à faire au niveau du plan supramental ou encore au niveau du plan extraplanétaire, au niveau du plan extratemporel. Donc, pendant un grand laps de temps, tant que cela est nécessaire, tant que l'ajusteur de pensée a besoin d'expérimentation, tant que l'énergie supramentale a besoin de connaître le plan planétaire au niveau matériel, l'homme garde un corps physique. Le corps physique de l'homme sera un corps physique comme l'homme n'en a jamais eu. Maintenant, ce qui d'ailleurs amène plusieurs personnes à dire que lorsque je serai supramental, je ne serai plus malade, j'aurai un corps physique en pleine forme, je n'aurai pas besoin d'exercice. Alors tous ceux qui présentement travaillent avec leur corps physique pour le monter sont des imbéciles qui perdent leur temps parce qu'une fois qu'ils seront connectés à l'énergie supramentale, tout ça ils l'auront. Quel que soit leur niveau, c'est vrai, ils ont totalement raison. La seule différence qu'il y a, c'est que si je suis malade, si je suis vil, si je suis tout croche, psychologiquement, vitalement et physiquement, lorsque 1 milliard et quelques millions d'individus auront ce contact supramental et cette bilocation géographique, instantanément ou presque et facilement, je deviendrai comme eux. Mais si personne ne travaille son corps physique présentement, on n'aura pas ce million d'individus ou ce milliard d'individus prêts, ce qui fait que, énergie supramentale ou pas, l'homme va rester cave comme qui est. Donc, présentement, tu as besoin de travailler ton corps physique parce que tu n'as pas suffisamment d'énergie pour aider la collectivité. L'homme doit donc construire un corps planétaire, physique, vital, astral et mental, si on peut parler de corps mental, construire un corps planétaire pour créer l'événement mental planétaire, suffisamment bien pour que cela lui permette d'avoir un nouveau corps éthérique. Parce que l'homme n'aura pas un deuxième corps tant qu'il n'en a pas un qui va être en santé ou qui va être correct. Et lorsque l'homme a ce deuxième corps, l'homme se sert toujours de son corps physique parce que l'homme en a besoin pour incruster dans la matière, pour enseigner la matière, pour enseigner l'astral. L'homme a besoin d'un corps matériel pour pouvoir créer des événements dans le contexte évolutif mémoriel planétaire. Lorsque ce que l'homme a à faire n'est plus instructif pour le plan planétaire, l'homme récupère ses énergies, le corps physique disparaît et l'homme s'en va aussi. En mots plus simples, c'est que si j'ai... je prends l'exemple, un exemple plus terre à terre, là. Exemple de la TV, si je n'ai pas mon antenne, ça ne me sera pas grand-chose. Autrement dit, tant que je prépare pas une bonne TV... Si ta télévision est sale, ton écran est sale, tu lui planques, tes boutons sont échappés en tout ton divan, tu n'arrives pas à tourner tes postes convenablement, ton antenne est tout croche, c'est un support qui est là, avec un manteau dessus parce qu'il te manque du support. Mais là, évidemment, la réception est mauvaise, il n'y a rien qui fonctionne. Et c'est sûr que si à un moment donné, on dirait... Prenons un exemple encore plus facile. Je n'ai pas de bons moyens d'instruction. Je dois faire venir le monde dans une école. Je dois les faire travailler et les faire écrire sur le plancher. Puis c'est compliqué parce qu'on n'a pas de tableau, on doit graver. Mais je crée la science. Et toi, tu peux dire, oui, mais tu sais, un jour, la science va être partout sur la planète. Alors, je resterai chez moi avec un ordinateur et j'aurai tout. C'est vrai. Alors, pourquoi s'évertuer à graver le sol? Pourquoi ne pas attendre que le papier soit inventé? Mais c'est ça, c'est que si personne grave sur le sol, si personne s'évertue à travailler comme ça, on n'inventera pas le papier, on n'inventera pas l'ordinateur, on n'inventera pas la facilité d'éducation, et on n'aura rien. Et donc, il nous faut des personnes qui présentement travaillent. Et la personne qui est paresseuse, elle peut paresser, elle va paresser encore 200, 300 ou 400 ans, et après ça, elle sera sauvée, si on peut dire sauvée. Et elle sera amenée à la conscience supramentale. Veux pas. Sauf qu'en attendant, c'est que si tous les individus décident d'attendre, ben on va attendre quelques 3 ou 4 ou 4 millions d'années. Bon. Maintenant, l'individu n'attendra pas, tous les individus n'attendront pas parce que certains sont déjà manipulés par l'autodisciplinaire mental, donc l'ajusteur collectif, et certains autres ont maintenant suffisamment d'évolution pour commencer à avoir créé cet ajusteur de pensée, donc ils peuvent commencer à communiquer avec l'ajusteur de pensée, avec le leur. Parce qu'on crée le nôtre en communiquant avec le nôtre. Mais on se fait fourrer dans cette communication parce qu'on ne sait jamais à qui on communique. Donc, il y a un dilemme entre les deux. Il y a un problème. Alors, ce qui fait que, présentement, l'homme qui veut attendre peut attendre. C'est comme les personnes qui se sont dit, « Moi, je n'apprendrai pas l'informatique. Un jour, on va me forcer à l'apprendre. » Ben, c'est vrai. Et un jour, tu auras tout ce que tu voudras. Et tu auras la facilité. Parce que d'autres ont créé cette facilité. Mais si tout le monde attend, on ne l'aura pas. Alors, lorsqu'on aura suffisamment créé d'êtres humains, d'êtres d'hommes nouveaux, pour que l'énergie supramentale baigne la planète de façon à ce qu'elle facilite l'évolution de tout le monde, et bien évidemment, l'évolution sera facile. Présentement, l'évolution se doit d'être facile, mais pas de la même façon. Ce n'est pas une évolution, ce que la personne, même si elle fuit l'énergie supramentale, elle se fait récupérer par l'énergie supramentale. Présentement, même si tu fuis l'énergie astrale, tu te fais récupérer par l'énergie astrale. Alors, il y a donc un travail qui doit être fait absolument. Dans l'autodiscipline, comment l'homme intervient-il sur les autres hommes et dans son environnement? Je ne parlerai pas présentement de l'autodiscipline ou de l'intervention de l'homme par rapport à l'extérieur parce que les consciences astrales sont encore trop puissantes chez l'homme. Donc, si j'explique, cela pourrait amener certaines consciences psychologiques à se faire leurrer, à se prendre au sérieux, à croire qu'ils sont ajustés. Et elle pourrait commencer à dominer les autres. Il est évident qu'un jour, l'homme devra, que vous, un jour, que ceux qui font le PMC, entre autres, et que d'autres personnes qui ne le font pas, mais qui se conscientisent d'une façon similaire, devront arriver à comprendre des mécanismes pour dominer les autres. Pour la simple raison, et ça, on l'a vu vendredi dernier, que que présentement, vous pouvez évoluer relativement facilement parce que l'extérieur qui n'évolue pas vous laisse faire. Mais lorsque ceux-ci, par leur incompréhension globale, décideront de vous l'interdire, bien évidemment, il faudra que certaines personnes aient les connaissances suffisantes au niveau de l'astral social, de l'astral collectif, de façon à manipuler les autres. Par intelligence, non pas pour se sauver, et non pas pour avoir. Alors, présentement, parler de ces mécanismes serait une faute, parce que, premièrement, on instruirait l'astral dans un cadre astral, donc on instruirait l'astral de ce qu'il doit faire. Ce qui fait que d'autres personnes qui ne sont pas conscientisées ou qui s'en foutent royalement, auraient à un moment donné, par l'intermédiaire de leurs rêves, de leurs maîtres, de leurs visiteurs nocturnes ou de leurs extraterrestres familiers, conscience, connaissance de comment faire pour manipuler les autres. Et ça, on a déjà des individus qui l'ont déjà d'ailleurs trop eu. Alors, ce qui fait que de ça, je ne parle pas pour l'instant. On va y revenir plus tard dans un contexte mental particulier. Particulier au PMC, évidemment, et ce ne sera pas lors d'une conférence spéciale. Ça va être lors d'un PMC. Ça va être lors d'un PMC. Il te reste 5 minutes. Ouais, un gros 5 minutes. L'événement mental qu'il faut tout le temps tenir pour pouvoir avoir, pour garder l'événement mental, est-ce ça qui attire l'énergie supramentale? Comment dire, qui fait vraiment le travail, qui fait le contact avec les deux? Oui. L'ajusteur de pensée va faire le contact avec les deux. L'ajusteur de pensée va être créé par l'énergie du mental, par l'événement mental qui s'énergise presque lui-même, mais qui reste un événement. C'est-à-dire que s'il n'est pas nourri régulièrement, il meurt instantanément parce qu'il n'existe pas. Et par les formes d'énergie expulsées par le plan planétaire à l'extérieur, qui va créer l'autre partie de l'ajusteur de pensée. Et quand ces deux parties vont se fusionner, tu auras l'ajusteur de pensée. Le mental permet donc l'attraction de l'énergie supramentale non ajustée par l'intermédiaire de l'autodisciplinaire ou de différentes autres formes de possibilités sur lequel je veux passer, et l'énergie mentale, par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée, évidemment, entre en contact avec l'énergie supramentale, et c'est par l'intermédiaire de l'énergie mentale que la psychologie planétaire, que l'homme planétaire, astral, vital et physique, vont être éduqués. Et c'est par l'intermédiaire du mental et de l'ajusteur de pensée que l'énergie supramentale va pouvoir prendre l'expérience planétaire réelle de l'homme, de l'individu qui se conscientise supramentalement. Cela veut dire que le mental est un joint, une liaison entre un contexte planétaire évolutif et un contexte extraplanétaire involutif. Le mental est quelque chose qui existe, mais qui n'existe pas. parce qu'il est extrêmement proche de l'énergie supramentale. L'intellect, c'est le mental naissant suti. L'intellect est mémoriel, l'intellect est quelque chose qui existe. Mais le mental est quelque chose qui n'existe pas. Mais qui est là? Quand il est là? Le mental ne s'en va pas. Le mental ne vient pas. Le mental apparaît dans un événement. Il apparaît au fur et à mesure que l'événement avance. Il doit réapparaître continuellement pour donner l'impression d'existence à la psychologie. Le mental va s'exprimer par la pensée chez l'homme, comme l'astral peut se servir de ce mécanisme de la pensée chez l'homme et de la parole. Et l'énergie supramentale, par l'intermédiaire du mental, se sert de la pensée et, évidemment, de la parole de l'homme. Alors, on a déjà vu que la pensée de l'homme était ce qui permettait, était l'instructeur, était le mécanisme d'instruction que l'énergie mentale pouvait employer pour instruire la psychologie de l'homme. La pensée, l'homme pense de cette façon-là. Maintenant, la pensée, présentement, elle est dirigée par l'énergie astrale de l'homme, donc elle est complètement colorée, ce qui fait que l'homme pense mal. Ce qui fait que l'homme ne pense presque pas, mais on pense pour lui. Et à un moment donné, l'homme ne pensera plus. C'est encore plus simple. L'événement mental, en ce moment, utilise les mémoires, utilise l'astral, qui, en tant que tel, sont des mémoires colorées. Doit travailler avec ces données-là, autrement dit, s'apercevoir qu'il y a certaines colorations, qu'il y a s'apercevoir qu'il y a certaines choses qui sont vraies. Quand le supramental rentre cette énergie-là, le mental doit-il faire la même chose? A-t-il aussi une coloration au niveau du supramental? Non, le mental n'a pas de coloration supramentale. Le mental reçoit l'énergie telle qu'elle, elle est exprimée, elle est colorée par l'intermédiaire de la pensée pour pouvoir instruire la psychologie astrale sans que celle-ci n'en meure. Sans que celle-ci... Parce que la mort psychologique, c'est un suicide psychologique. Lorsque l'astral décide de se suicider, l'astral en meurt. Et c'est le problème, l'homme a besoin de l'astral. C'est pourquoi l'énergie supramentale doit être ajustée par l'intermédiaire du mental qui connaît l'astral, parce que le mental connaît l'astral. Le mental est né, c'est un événement créé par l'astral. Donc, il connaît tous les mécanismes de l'événement, les mécanismes mémoriels, les mécanismes de l'expression, les mécanismes d'attitude de l'astral, parce qu'il est l'enfant de tout cela. Et tant que cela existe dans une certaine condition très particulière, c'est ce que l'énergie supramentale va aller toucher, la condition particulière de l'astral. Elle ne peut pas toucher l'astral d'hier ni l'astral de demain, elle touche l'astral immédiat. L'astral immédiat crée le mental immédiat, qui est l'événement. Et cet événement sert de jaugeage à l'énergie supramentale. C'est pourquoi cet événement devient, à un moment donné, l'ajusteur de pensée, le mental. Une partie du mental reste l'événement. Une partie du mental devient l'ajusteur de pensée, relié à l'énergie supramentale. Et celui-ci s'ajuste selon l'événement mental, qu'il ne peut pas détruire. L'événement mental ne peut pas se suicider. Il n'existe pas. N'existant pas et étant l'enfant, étant le reflet parfait de la condition psychologique sous tous ses plans dans l'instant présent, ce qui ne peut pas être trouvé dans le plan psychologique, il n'y a pas d'instant présent dans le plan psychologique, il y a un instant mémoriel. Donc, l'énergie supramentale s'ajuste à l'énergie mentale qui est le reflet de l'instant présent psychologique et pénètre dans l'instant présent psychologique, instruisant l'instant présent psychologique. Celui-ci en fait du passé, donc en fait une instruction réelle mémorisée par la pensée. Alors, c'est pourquoi le mental a une importance extraordinaire et que le mental n'apparaît que s'il y a un contexte astral. Le mental va être remplacé, à un moment donné, l'astral va être remplacé, tout cela va être transmuté. Mais lors de la fusion globale des corps de l'homme. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors donc, le mental n'existant pas, n'existant que dans l'événement, que dans un instant inexistentiel, il est le reflet authentique de la condition immédiate de l'astral, condition qui ne peut même pas être connue par l'astral. L'astral ne connaît qu'une condition temporalisée dans sa mémoire. Il ne se connaît pas tel qu'il est, il se connaît tel qu'il a été. Donc, il ne peut pas ajuster, et l'énergie supramentale, si celle-ci, elle se réfère à l'astral, elle va être bernée. L'énergie supramentale ne vient pas voir l'astral parce que l'astral existe à partir du moment même où l'instantanéité cesse d'exister et où le passé commence. L'énergie supramentale n'existe que dans l'instantanéité. Alors, il doit y avoir un joint entre ce qui est passé, inexistentiel, et ce qui est inexistant, présent. Il doit y avoir un joint, les deux ne peuvent pas se toucher. Mais l'inexistant du passé crée une condition dans le présent qui est le mental. Et cette condition, selon la puissance qu'elle a, elle pourra servir de tampon entre l'énergie supramentale et l'énergie de l'astral. Maintenant, cette existence étant manipulable par le plan psychologique, parce que le plan psychologique est toujours manipulé le mental de l'homme, parce que le mental de l'homme est la condition reflet de la condition astrale. Donc, il l'a toujours manipulé. Et elle doit lentement développer une mémoire tampon, une mémoire mentale, qui va servir à créer l'ajusteur de pensée, de façon à ce que même si la condition apparente de l'astral se transforme, que la mémoire tampon mentale conserve quand même l'ensemble de ce que l'astral exprime dans le présent, de façon à ce que l'énergie supramentale puisse être ajustée et venir zigouiller le plan astral de l'homme, c'est-à-dire venir l'instruire à découvrir que lui-même n'existe pas pas selon la conception qu'il se fait de lui. Ce qui fait que plus qu'on a de contact supramental, plus qu'on utilise le supramental, plus qu'on a de chances d'en recevoir du moins du moins coloré. C'est-à-dire que le mental est moins coupé. On va revenir à cette question lors de la troisième partie. OK. Break de 15 minutes.